France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha! Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 144. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 4 janvier 2009, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es rediffusion et tu redécouvres le plan banlieue ou, pour une poignée de dollars, tu es le plan Paulson à Washington ou, pour 100 briques, t'as plus rien, tu es la récession ou la mort aux trousses et tu es aussi arrête de ramer, t'attaques la falaise ou... Tu me lâches avec Obama, là. Dès qu'il dit un truc, c'est Obama génial, Obama ceci, Obama cela. Moi, je suis sûr qu'il est complètement idiot, Obama. Mais ça va pas, hein. Ah bah, les boss, c'est comme ça, hein. Ils ont rien dans le citron. Regarde Villepin, il ressemble à Richard Gere. Bah résultat, moi je suis président et lui va finir en tôle. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose, durant 53 minutes, une petite rediffusion burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Oui, communions ensemble, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre sacerdoce consiste à t'offrir autant que possible un diaporama sonore, modeste mais déjanté, contre le triomphe de la morosité. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Pour commencer, de la vestale zénitale à la crise financière abyssale, nous t'offrirons comme d'habitude une relecture frappadingue et concise des actualités politiques qui ont marqué le début de l'automne. Ensuite, durant quelques minutes, nous réentendrons comment les spectres de l'INA ont reçu la curieuse visite de l'inventeur de la dynamite quelques jours seulement avant que Stockholm ne nous révèle le nom des lauréats Nobel. Et depuis, on sait que les Français ont fait un beau carton. Dans la foulée, nous rejoindrons Monique et Jean-Claude qui avaient essayé, en octobre dernier, de trouver les ressources nécessaires dans la mode vestimentaire pour égayer Grosboule-les-Bains face à la conjoncture toute pourrie qui bastonnait déjà notre petit village fleuri. Et juste après, nous poursuivrons avec notre petit reportage Fric et Frime où nous te proposerons à nouveau un étrange mode d'emploi pour enfin devenir plein aux as. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque sévèrement fourni rééditera une authentique mais curieuse revue de presse automnale. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et roule ta pierre comme Sisyphe. We'll be right back. Get off of my cloud, dégage de mon nuage, ce fut le tempétueux avertissement des immortels Rolling Stones en 1965. Mais dégage de mon nuage, c'est aussi ce qu'a hurlé François Fillon le 28 octobre dernier à bord de son Falcon 900. Pourriez-vous faire atterrir cet avion ? Non mais ça va pas à la tête. Très bien au contraire, et j'ai horreur des familiarités. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Alors, avant tout, vautre-toi confortablement et engageons les modestes péripéties du Mangin Palace par notre petite session freudienne. Oui, avec le fiefé sacripant de nos coursives, Monsieur Divan Beaujelet, nous avons traqué cette semaine, comme d'habitude, l'inconscient fourbasse qui se planque dans le discours politico-médiatique. Comme chacun sait, il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons notamment aujourd'hui les prestations scéniques d'une vestale au zénith et les entourloupes foireuses d'un porte-flingue élyséen. Allez, en route maestro, voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours, ainsi soit-il. Hasard ! La crise financière internationale, Ségolène Royal en a parlé hier au Zénith, mais entre sourire éternel et victime qui se rebelle, elle a surtout voulu montrer qu'elle était toujours debout. Je suis là aujourd'hui, je serai là demain. Rien ne me fera reculer sur ce chemin que j'ai choisi. Non, déjà là, ils sont aux fraises. Mais bon Dieu, faites un effort, on a besoin de vous. Et on en arrive à la situation économique et financière. François Fillon proposait l'unité nationale pour faire face à cette crise. Bon, écrase, tu veux ? Eh bien, écoutez la réponse du numéro 1 du Parti Socialiste, François Hollande. La cigale ayant chanté tout l'été, ben, elle est fort dépourvue quand la bise de la crise arrive. Dans l'embrasure de la fenêtre, deux insectes malfaisants ourdissent un plan machiavélique. Et le malheur, c'est qu'on demande à toutes les fourmis de travailler pour la cigale. C'est quand même un peu exagéré. On demande l'unité nationale des fourmis pour solder les comptes de la cigale. Mais tapis dans l'ombre, un groupuscule d'insectes s'affaire à des préparatifs sanguinés. La crise internationale peut aussi s'avérer très pratique lorsqu'il s'agit d'expliquer la brusque remontée du chômage, du jamais vu depuis 15 ans. Et c'est la crise financière qui est la coupable, dit déjà Christine Lagarde, ministre de l'économie. Message également relayé par Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. C'était pas ma faute, j'ai eu une panne d'essence. Il est clair que c'est lié à la crise. Et tous les pneus ont crevé, j'avais pas de quoi prendre le métro, les taxis étaient en grève. On ne peut pas, nous, la France, être un îlot qui surnage par-delà une tempête planétaire. Mon smoking avait été ici. Ma tante a débarqué chez moi. La terre a tremblé trois fois. Il y a eu une invasion de sauterelles. Personne ne sait véritablement ce qui va se passer. C'était pas ma faute. J'en fais serment devant Dieu. Et les porte-flingues de l'Élysée qui m'ont conseillé de consulter médicalement pensant que je perdais la tête. Sans déconner, vous n'avez rien d'autre à foutre. Et dans cette crise, qui est en train de gagner ? Eh bien, pas forcément celui qu'on croit. Si les capitalistes perdent beaucoup d'argent, ce sont encore eux qui s'en sortent le mieux. Reculez ! C'est en tout cas le point de vue du président de Planète Finance, Jacques Attali. Telle que se déroule la crise aujourd'hui, c'est pas du tout la déroute du capitalisme financier, c'est lui qui est en train de gagner. Bah oui, parce que il a empoché ses bonus, et maintenant, il fait payer ses pertes par les contribuables. Non, il n'en est pas question, mon vieux. Et si les contribuables refusent de payer, une inflation va se déclencher, et ce sera plus les contribuables qui vont payer, c'est les consommateurs et les épargnants. Ça donne à réfléchir. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc le capitalisme financier, pour l'instant, est le grand vainqueur de tout ce qui se passe. Et il vous amusera. Que nos clients perdent beaucoup d'argent ou en gagnent beaucoup, nous touchons notre commission. Nous touchons notre commission. C'est ça la joie dans le krach boursier pour les spéculateurs malins qui profitent de la chute des cours pour s'en fourrer plein les fouilles. Car on le sait tous, le capitalisme libéral n'est point du tout un système économique sans foi ni loi. Non, il y a des règles très strictes, enfin, plus précisément, il n'y a qu'une seule règle. Peu importe la misère du moment qu'il y a du blé à se faire. Car aujourd'hui sur cette terre, tu peux m'en croire, oui c'est très clair. Tout est bon pour faire les flics. Tout est bon. tout est bon pour faire du fric. Comme par exemple, offrir des prêts immobiliers hypothécaires à haut risque et jouer avec le crédit sans réfléchir au retour de bâton. Sauf que voilà, maintenant, le Golden Boy milliardaire, il est confronté à la crise. Il est milliardaire, sans but, sans souci, sans tracas. Il pose son derrière que sur du satin ou de la soie. Mais il aimait le jeu et c'est ce vice qui le ruina. Il n'a plus de famille, plus d'amis, plus de pyjama. Il n'a plus que son chat aujourd'hui et le voilà. À Abu Dhabi pour lui, à Abu Dhabi pour son chat. Il est à Abu Dhabi pour lui, à Abu Dhabi pour son chat. À Abu Dhabi pour lui, à Abu Dhabi pour son chat. Il est à Abu Dhabi pour lui, à Abu Dhabi pour son chat. Chat chéchure. Pour le milliardaire, le crack, c'est dur. Cependant, il est malin, le bonhomme, et il a prévu un parachute doré, c'est-à-dire une énorme cagnotte, comme indemnité de départ pour le remercier d'avoir ruiné la banque et, accessoirement, les petits épargnants. Et oui, pour le spéculateur incompétent ou sans scrupules, la punition est simple. Ah, quelle affaire, me voilà milliardaire. Enfin, je vais pouvoir m'offrir, c'est mon désir, tous les plaisirs, plus de misère. J'ai fini de m'en faire, c'est pour moi la joie des beaux jours, et c'est un peu mon tour. Et oui, ça craque de partout, les banques menacent de faire faillite, sauf en France, car selon notre gouvernement et selon le sacro-saint syndrome du nuage de Tchernobyl, nos frontières sont imperméables à la crise. Chouette. Cependant, cette semaine à Bercy, dans les couloirs du ministère des Finances, Christine Lagarde était en quête d'une solution pour éviter la faillite. Je cherche un milliardaire, un type riche qui voudra bien de moi seulement une fois par mois. Oui, je cherche un milliardaire. Qui me dirait froidement, mais Coxnel, tout mon or est à toi. Oui, je cherche un milliardaire pour avoir des robes comme les stars et manger du homard. Ah, je cherche un milliardaire qui aurait pour Bibi beaucoup d'égards. Christine Lagarde cherche donc de quoi renflouer les caisses et éviter les faillites à tout va. Alors, face au déficit de l'État, Christine ne se démonte pas. Pardon ? Je suis la découverte, oui, je sais, oui. Non, mais bien sûr que c'est une somme, monsieur Lamotte, mais enfin, on ne va pas se fâcher pour autant. Ah, écoutez, je reconnais mes vrais amis à cela, d'ailleurs, hein. Je leur dois de l'argent. Bon, ben, je vais vous faire un chèque. Oui, mais voilà, les banques sont patraques et c'est elles qui ont besoin d'argent. Christine est désespérée. Quant au détour d'un couloir du ministère des Finances à Bercy, elle croise Éric Woerth, le jovial ministre du budget. Il est super détendu, Rico, car il sait que le mieux pour trouver des milliards, c'est d'aller voir l'ami des milliardaires, à savoir, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Éric Woerth fonce donc à l'Élysée, mais hélas, Nicolas lui annonce que les caisses sont réellement vides, on n'a plus une thune. On n'a pas la thune, mais l'espoir. Pas le blé, mais l'envie. L'important, ami, c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. C'est sûr, y'a les cons au pouvoir. Tout ça nous mènera. Passer la nuit sur des trottoirs. Ouais, marcher dans le noir. Mais Éric Woerth rassure Nicolas Sarkozy. Dire qu'on n'a pas la thune, c'est pour la façade, ça. En réalité, il y en a de l'argent, il suffit de le vouloir. Par exemple, il n'y a qu'à voir les milliards balancés pour sauver la banque Dexia. Mais soudain, à ce moment précis de sa conversation avec Nicolas Sarkozy, Éric Woerth dérape quand il évoque la possibilité de combler le trou de la sécurité sociale avec tous ces milliards-là qui sortent d'on ne sait où, tout à coup. Quand Nicolas, il entend ça, attends... Des milliards pour la caisse d'assurance maladie, là, il explose, Nicolas. Mille milliards de mille sabords, sauver deux caisses de conserve et ne pas avoir d'ouvre-boîte. Mais c'est à devenir enragé. Oui, bon, Éric Woerth se ressaisit immédiatement. De toute façon, il sait bien que si l'État payait sa dette envers les organismes sociaux et qu'il limitait les exonérations de charges à tout va, eh ben, le trou de la sécu disparaîtrait. Enfin bref, Éric Woerth quitte Fissa le bureau de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et fonce à Matignon pour faire un compte-rendu de sa réunion à François Fillon, qui l'interroge aussitôt. Et dans quel terme avez-vous quitté le président ? Nous nous sommes séparés dans une parfaite et mutuelle incompréhension. J'avais rencontré pas mal d'illuminés dans ma vie. Des mystiques, de la religion, des sectes, de la révolution, de l'idéologie, du terrorisme. Lui, c'était un mystique du profit. Un mystique du profit, Nicolas Sarkozy ? Mais non, c'est un mythe, ça. Bon, c'est vrai que Nicolas Sarkozy a d'autres ambitions que de sauver tous ces petits épargnants qui se contentent de leur modeste livret A, un truc tout juste bon à servir de réserve pour payer les folies financières des traders en panique. Non, Nicolas Sarkozy, ce mois-ci, il s'est offert un nouveau joujou, un Airbus A330, pour avoir lui aussi son Air Force One. Bon, l'avion, il va bien falloir l'équiper ambiance VIP. Mais jusqu'où va aller se nicher le rêve américain ? Un milliardaire américain vient de s'offrir la première piscine volante que l'on ait jamais vue. James D.I. Weston, propriétaire de puits de pétrole à 16 heures et milliardaire 24 heures sur 24, a racheté un super constellation qu'il a fait transformer en piscine volante. Le décollage effectué, des réservoirs placés sous les ailes déversent une eau, pasteurisée bien sûr, étant en Amérique, dans la piscine de 8 mètres sur 3 qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Dites donc, vous vous rendez compte, c'est pas un économiquement faible celui-là. Un petit détail a pourtant bouleversé la fête joyeuse et très intime qui se déroulait hier après-midi à 18 000 pieds d'altitude. Un trou d'air a fait que soudainement l'avion est tombé comme une pierre et s'est retrouvé en quelques secondes 1500 mètres plus bas. Malheureusement, l'eau de la piscine ne suivit pas immédiatement ce mouvement descendant et l'on assista au spectacle étonnant de tout l'eau, les naïades et le milliardaire projeté au plafond qui heureusement résista. Aux dernières nouvelles, James D.I. Weston songerait à installer une patinoire dans son super constellation. C'est aussi frais, a-t-il dit, et c'est plus solide. Eh oui, du solide. C'est un peu ce que chacun aimerait pour notre système économique, qui ne risque pas de changer, puisque les mésaventures financières, qui coûtent des milliards, sont remboursées par les petits épargnants. Ainsi, il semble terminé le temps du banquier inconscient en faillite, le visage en pleurs et le sourire en baisse. Son visage est en pleurs, son sourire est parti, je baisse les yeux, tant pis, et si c'était ma sœur ? En attendant, j'y pense, et renvoie l'ascenseur, celui qui m'a brisé le cœur, c'est la faute à pas de chance. Alors on fait comme si, alors on fait comme ça. Alors on fait comme ça. Comme si j'avais rien vu. Et si tout était beau, faudrait pas remuer. En marchant dans la rue, on verrait les défauts. L'ascenseur. Et plus jamais j'y pense, je n'ai d'ailleurs rien vu. Fallait pas remuer, rester sourd à la rue, rester dans l'ignorance. Et ici est ailleurs. quelque part, c'est le mystérieux endroit que nous propose de rejoindre le duo Philippe et Chat. Quelque part, c'est également la destination vers laquelle se dirige très vaguement l'Union européenne face au cynisme financier. Alors, après les cocasses actualités économiques et politiques, ouvrons dès à présent à 11h26 notre séquence consacrée aux informations du lointain. Et avant tout, sais-tu qui fut l'inventeur de la dynamite? Eh bien, c'est un chimiste et industriel suédois du 19e siècle. Son nom, Alfred Nobel. Lascar qui découvrit donc la nitroglycérine en 1846. Mais à sa mort en 1896, pris de remords pépère, après sa funeste invention, il refourgua son immense fortune pour subventionner la création de l'illustre prix Nobel. C'est ainsi que la postérité de son patronyme a franchi les étagères de l'armurerie pour devenir ensuite un label chic et pacifique. Et figure-toi qu'en milieu de semaine, quelques jours avant que nous ne connaissions les lauréats du millésime 2008, Alfred Nobel lui-même s'est pointé à l'INA afin de rencontrer les fantômes nobélisés. Alors écoutons ce que nous rapporte notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons reçu une visite exceptionnelle. Alfred Nobel en personne a débarqué mercredi soir dans sa machine à remonter le temps. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Il avait entrepris ce long voyage depuis le 19e siècle pour rencontrer quelques lauréats du prix Nobel. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Allô Paris ? Ici Stockholm. Mesdames, messieurs, expérience temporelle numéro 1. Nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson. Nous enregistrâmes d'abord ce premier essai du grand philosophe. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, je crois bien que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Oh, oh, qu'est-ce que je t'avais dit ? Le déplacement temporel a eu lieu ! Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la Déclaration d'indépendance. Regarde. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul. Jacques Monod, prix Nobel de médecine 1965, présente Martin Luther King, prix Nobel de la paix 1964. Aux États-Unis, des milliers d'hommes noirs et blancs participent aujourd'hui à cet immense effort. Parmi eux, cependant, le pasteur King jouit d'un prestige incomparable, d'une autorité unique qu'il doit à la hauteur de sa pensée morale et politique. Alfred Nobel était ravi de voir deux prix Nobel s'entendre si bien. Malheureusement, sa joie fut de courte durée. Il est tombé sur Jean-Paul Sartre. Pourquoi avoir refusé le prix Nobel ? Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là. Jean-Paul Sartre était un philosophe. Alors à l'école ça se passe bien, ça marche bien, ça marche. Faut dire que les profs savaient quand même qui c'était, hein. Bon, pendant la guerre, Sartre c'était l'époque de Rousseau. Pendant la guerre, il a eu tendance à se taire, un peu comme tout le monde. Mais alors après, il était plutôt... C'était pas un nazi, mais enfin, je crois qu'il était quand même bien à droite. Non, bien sûr, comment, on l'a bien vu en mai 48, quand il y a eu la révolution des étudiants. Le discours d'Alfred Nobel a échoué. Alors, Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1991, a tenté de le consoler. J'ai été si souvent dans la situation de dire des bêtises que je n'attache pas énormément de poids à mes propres paroles. Et ça, c'est une sensation agréable. Bon, ça, je dirais que dans nos métiers à nous, on a vraiment fait suffisamment d'erreurs, et quelquefois d'erreurs très profondes, pour s'être bien calmé de ce côté-là. Alors, sans rancune, Nobel a conclu. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire. Jean-Paul Sartre, c'est de la dynamique. Merci Flora Bernard pour ce récit spatio-temporel d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite parmi les mythes de l'INA. Dans quelques jours, nous découvrirons donc les lauréats Nobel 2008. Le Clésio fait figure de grand favori pour la littérature, alors que personne n'évoque Poutine pour le prix Nobel de la paix. Merde alors! Enfin bon, passons dès à présent à nos belles actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h32, il est temps en effet de rejoindre nos deux héros de la guerre de récession, l'ingénieux Jean-Claude et l'intrépide Monique, qui, comme chacun d'entre nous, subissent au quotidien les soubresauts anxiogènes de la sphère boursière. Un coup en haut, un coup en bas. Ainsi, toujours dans l'espoir d'échapper à cette foutue crise économique, Jean-Claude cherche constamment des astuces pour tenter de renflouer ses caisses. Voilà pourquoi, dimanche dernier, après avoir maté à la téloche les premiers défilés parisiens de haute couture, Jean-Claude s'est lancé dans une nouvelle activité, mais franchement, non sans agacer Monique. Alors explique-moi un peu ça. Quoi ça? Ça. Ça? Qu'est-ce que c'est? Ne fais pas l'idiot. J'ai trouvé ces cochonneries en rangeant ton placard. Mais c'est pas des cochonneries, c'est des croquis de mode que je dessine à mes moments perdus. Ah, perdus? Oh bah tu peux le dire. Mais non content de t'adonner à des jeux de collégiens, tu oses baptiser ces affreux gribouillages du nom de tes anciennes maîtresses. Allez, voilà encore autre chose. Je sais lire, non? Je sais lire. Fanchette. Angèle. Marthe. Mais c'est le nom des robes. Ne me prends pas pour une imbécile, hein? Simone. Colette. Sylvie. Tiens, voilà ce que j'en fais de tes sales femmes. Oh, mes modèles. Tes sales poules, de tes sales grues. Tiens. Voilà. Oh, c'est malin, des croquis si bien faits. Oui. Persuadé que l'univers du luxe ne connaît jamais la récession, Jean-Claude était ainsi déterminé à devenir le couturier haut de gamme pour la gente féminine de Grosboule-les-Bains. Seulement voilà, cet abruti de Jean-Claude n'a rien trouvé de mieux que le prénom de ses anciennes conquêtes pour différencier ses croquis. Aussi, pour se faire pardonner auprès de Monique, Jean-Claude a décidé d'être son conseiller vestimentaire. Et dimanche soir, Monique a donc fait quelques essayages devant Jean-Claude. Ça fait pas un peu trop habillé? Oh, non. Elle me va comme un gant, non? Comme une moufle, plutôt. Ah, oh, mission. Ça fait 3 ans que je l'avais pas mise. Eh ben, elle est pas rancunière, là. Hein. La muflerie du Jean-Claude est sans limite. Mais bon, en ces temps de crise économique, Monique s'amuse de la frivolité du moment passé avec Jean-Claude. Mais dès le lendemain, Jean-Claude a réellement créé sa propre ligne de prêt-à-porter, baptisée Crada et Gucciot, d'inspiration italienne bien sûr. Et lundi soir, vers 20h, il avait invité quelques voisines du quartier pour leur refourguer 2 ou 3 robes de sa création. Oui, mesdames des fleurs, voilà ce que vous êtes. Et comment en douter quand sous mes yeux vous faites le bouquet le plus enchanteur. Et si j'ose une périphrase à ce bouquet, il faut un vase comme il faut un cadre, au tableau, un globe à la pendule, un écrin, au joyau. Eh bien, cet écrin-là, et ce cadre, et ce globe, et ce vase où les fleurs ont encore plus de prix, quand il s'agit de vous, mesdames, c'est la robe, oui, c'est la robe de Paris, la seule au monde, la plus belle et la plus spirituelle aussi. Je vais vous la montrer sous des formes nouvelles. Tant pis si Christian Dior n'endort plus de ses nuits. Oui, sauf que voilà, pour le couturier Jean-Claude, c'est la croix et la bannière, puisque l'assemblée féminine réunie devant lui lui avoue que plus personne n'a thune pour s'offrir la moindre fripe. Même leurs petites épargnes en banque se font laminer la tronche par les foudres boursières. Désemparé, Jean-Claude avait donc une nouvelle fois échoué dans sa lutte contre la récession. Que faire ? Thank you. Eh bien, de son côté, après cet intérêt soudain du Jean-Claude pour l'élégance vestimentaire, dans la foulée, Monique s'est convaincue que la morosité ambiante ne doit nullement l'empêcher de prendre soin d'elle. Au contraire. C'est pourquoi jeudi dernier, à l'heure du déjeuner, Monique s'est offerte une parenthèse esthétique au salon de beauté de Grosboule-les-Bains. Qu'est-ce qu'il y a, Monique? Oui, j'arrive. Et ça, le maillot, 80 francs, vous savez. Comme, oh non, la moustache, on la compte pas, cadeau de la maison. Voilà. Dites, je sais que la dernière fois, la petite, elle vous l'avait pas assez chancrée, ce maillot. Ben oui, parce qu'elle n'a pas l'habitude. En tout cas, avec cette nouvelle cire, vous allez être content. Elle est très bien, cette cire, ça va tenir plus longtemps. Et si elle est bien, elle arrache bien la racine. Ainsi, Monique s'apprêtait à passer en cabine, quand soudain, Samantha, l'esthéticienne, refusa d'épiler Monique. Je veux épiler avec la pince à épiler, mais pas qu'avec la pince à épiler. Moi, j'épile depuis 25 ans avec la cire et la pince, et il y a les nouvelles technologies avec l'épilation progressive, définitive, qui sont utilisées dans toute l'Europe par toutes les esthéticiennes européennes, et les Françaises, on n'a pas le droit de les utiliser. Les médecins ne veulent pas nous laisser faire l'épilation progressive. Les pédicures, maintenant, ne veulent pas nous laisser faire la beauté des pieds. Les dermatos nous laisseront plus faire les nettoyages de peau. Qu'est-ce qui nous restera? Il y a des nouvelles technologies, il y a de nouvelles molécules, il y a plein de choses de nouveaux qui arrivent dans la profession. Ben, je veux pouvoir en profiter et pouvoir l'utiliser pour mes clientes. Moi, j'aurais voulu écrire à Carla Bruni. Pourquoi? Ben, parce qu'en étant une ancienne mannequin, je pense que les esthéticiennes, elle a dû aller en voir, et elle doit aller en voir, c'est une belle femme, elle sera peut-être sensible à notre doléance. Et voilà. Et pendant que Monique, à défaut de Carla Bruni, écoutait patiemment les doléances de l'esthéticienne, Jean-Claude, qui lui aussi baguenaudait dans les parages à l'heure du déjeuner, entra à son tour dans ce salon de soins esthétiques. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me faire un massage, là, pendant l'heure du déjeuner? Oui, bien sûr, un massage californien. Oh, m'importe. Vous faites les finitions? Eh bien, c'est-à-dire, nous faisons le massage californien, qui est un massage qui relaxe, qui relaxe beaucoup, et sinon, le shiatsu, qui est une technique japonaise où on travaille beaucoup avec les pouces, mais c'est Samantha qui la pratique. Et là, en ce moment, Samantha, elle est en cabine. Et Samantha, avec... elle fait les finitions? Non, on fait pas les finitions. Il y a des endroits spécialisés, on s'occupera de ton problème de biroute. Alors maintenant, tu la laisses tranquille et tu dégages. Lâche-moi, morue. Trou du cul. Oh, Angèle, les clientes, t'entends comment tu parles? Je parle pour bien comprendre. Franchement, c'est la mouise partout, se dit Jean-Claude. L'ambiance n'est vraiment pas à la déconne. Les temps sont rudes. Enfin bon, pour imiter Monique dans son souci de prendre soin de soi pour lutter face à l'esprit de la crise, Jean-Claude décida alors d'aller chez le coiffeur, histoire de se rafraîchir un peu la caboche. Et là, le couptif du quartier suggéra un truc au Jean-Claude. T'as jamais pensé à te faire l'arrêt de l'autre côté, Jean-Claude? Si, j'ai essayé avec l'arrêt à gauche. Je me suis regardé dans la glace, j'avais vraiment l'air d'un con. Hein. Oui, mais dans la glace, tu t'es vu avec l'arrêt à droite si tu l'avais fait à gauche. Quoi? Bah, la glace, ça inverse. Quand tu te fais l'arrêt à gauche, tu t'es vu avec l'arrêt à droite, c'est-à-dire comme nous, on te voit tous les jours. Avec l'arrêt à gauche? Mais non, à droite! En fait, quand tu trouves que t'as l'air con, c'est quand tu te fais l'arrêt à gauche et que tu te vois avec l'arrêt à droite, c'est-à-dire comme elle est réellement, c'est tout. Tu comprends? Allez. Ouais, mais là, j'ai l'air d'un con ou j'ai pas l'air d'un con? Alors là, trop c'est trop, Jean-Claude est totalement paumé. A-t-il vraiment l'air si con? Il semblerait que Jean-Claude subisse réellement la crise de plein fouet. Rien à faire pour surmonter la morosité. Tout est contre lui, et pourtant dans sa vie, il en a déjà bien bavé, le Jean-Claude. J'ai lavé des voitures, des cirés, des chaussures. Et plus tout ça brillait, plus moi je m'encrassais. J'ai connu bien des filles, accueillantes et gentilles. Mais jamais qui ne soit, tout ça rien que pour moi. Je demande pourtant pas des millions. Une femme. Oui, lundi soir au dîner, Jean-Claude semblait bien déprimé. L'hiver est presque là et dehors ça pèle. Avec quoi on va payer tout ce fioul, hein? Monique lui raconte que même les esthéticiennes se sont mises en grève, dis donc. Ah, mais là-dessus, Jean-Claude pensa avoir une nouvelle idée pour prospérer sur cette grève et faire enfin du business. Après 77 ans de recherche et de développement, nous sommes fiers de vous présenter Septator. Septator, c'est l'ultime révolution technologique. le seul rasoir à 7 lames au monde. Avec Septator, la première lame réveille le poil. La deuxième lame examine le poil. La troisième lame le caresse. La quatrième l'incise légèrement. Et la cinquième le coupe avec une précision chirurgicale. Et les deux autres lames, elles applaudissent le travail des cinq premières. Oui, enfin bon, lui répondit Monique. Primo, ton projet est grave débile, mais surtout, il faudrait déjà un bon paquet d'oseille pour lancer ton engin sur le marché. Résultat, retour à la case départ et fin de l'histoire pour cette semaine. La guerre de récession continue et nos deux valeureux combattants n'ont toujours pas trouvé de solution à la crise. D'ailleurs, Jean-Claude n'en voit qu'une, bien entendu. Il lui faut du pognon. Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerais très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous. C'est bien connu. Ah, si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Ah, si j'avais des sous, comme j'en ai envie, je serais riche maintenant et j'aurais évidemment beaucoup de sous. Si c'est bien connu. Ah, si j'avais des sous, c'était la quête de Gilbert Bécaud en 1959. Si j'avais des sous, c'est le souci de ceux qui n'ont pas de sous, alors que le souci de ceux qui ont des sous, c'est de ne plus en avoir de sous, et pas de soucis. C'est clair, non? Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h44, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic, consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Et cette semaine, à l'occasion du Salon de la Bagnole, Porte de Versailles à Paris, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a voulu t'offrir le moyen de parader dans une grosse caisse de kéké grâce à la compagnie Just for VIP qui te propose de louer ses belles berlines. Après la virgule, découvrons ensemble le mode d'emploi pour rouler des mécaniques. Oui, sauf qu'il y a le bouclier fiscal. Ce dimanche, tu es verni. Ton livret A tremble, tu sens que la crise rôde autour de toi tel un squale et tu veux des solutions. Et surtout, surtout, tu ne veux plus jamais vivre ça. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? C'est pour vous. Ben, c'est une soirée privée, j'ai besoin de votre nom, j'ai une liste. Je suis Jules César. Jules César. Non, excusez-moi, ça ne va pas être possible. Non, non, non. Non, non, attendez, il doit y avoir un problème parce qu'en fait... Excusez-moi, tenez-vous à l'écart, s'il vous plaît. Pour ne plus jamais vivre ça, donc, aujourd'hui, rencontre avec un prof devenu king du luxe motorisé, un vrai... Et par hasard, j'ai monté un site internet qui fédérait au départ les loueurs avec le client final, qui mettait en relation les clients et les professionnels, et j'avais en retour une commission sur les locations effectives, mais... Le souci, c'est que je me suis fait piquer mes clients à chaque coup quasiment. Et donc, j'ai décidé d'acheter une voiture, deux voitures, trois voitures. Et bien, cette année, j'en ai 15. Et puis voilà, quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça change complètement du petit crayon en blanc, là, du petit crayon pour le tableau blanc ou pour le tableau noir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans des palaces, je roule dans des Ferrari tous les jours quasiment. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est toujours pareil. C'est un outil de travail, faut pas oublier, puis faut pas se prendre non plus pour le client. Louer une voiture de luxe chez Just for VIP, voici la clé pour sortir de ton quotidien morose. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Oh, une Renault 4, c'est bien, mais pas de doute, une Porsche, c'est mieux. Est-ce que tout le monde peut louer une Porsche ou une Ferrari, ou quelles sont les conditions pour pouvoir louer une voiture pareille? Le plus gros problème dans une location de voiture, c'est pas trop le prix de la location, c'est le montant du dépôt de garantie de la caution. Et c'est ce qui est le plus embêtant pour, en gros, les Français qui n'ont pas un gros pouvoir d'achat et qui est pas du tout embêtant pour ce qui est clientèle russe, étrangère, brésilienne ou autre. Louer une voiture de luxe, c'est simple donc. À condition d'avoir les bonnes couleurs de carte bancaire, cela va de soi. 4 151 € pour posséder pendant 24 heures une Porsche Carrera GT, ça peut paraître cher, sauf si tu le vois comme un investissement. Oh, Bouboule ! Hé, hey, Serge ! Qu'est-ce que tu fous dans cette caisse ? Tu t'en marres pas, toi ? T'as gagné au loto ou quoi ? C'est qui ce type ? Tu le connais ? Je l'ai jamais vu. C'est encore un type qui veut impressionner sa nana. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein ? Ça fait peur. Il loue des belles voitures par amour de, des belles carrosseries ou plutôt pour flamber et rouler des mécaniques ? Bien souvent, ces gens-là ont les mêmes voitures chez eux, donc déjà, ils viennent en vacances ou en week-end ou en a pour affaires, ils veulent avoir le même véhicule qu'ils ont chez eux, et bien souvent, c'est pour flamber, c'est pour se faire voir, et comme ces voitures-là servent à rien si ce n'est pour flamber. Une Ferrari, si ce n'est pas sur un circuit, ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. À 130 sur l'autoroute, c'est pas rigolo. Passer pour un milliardaire en louant une grosse caisse, c'est donc possible. Mais l'inverse aussi est envisageable. Et quand les riches s'intéressent à la vie des pauvres, on peut tout imaginer. Alors à ceux qui s'intéressent au sport de l'extrême et qui n'ont pas peur de se mettre en danger, je signale que l'année prochaine, on organise avec quelques copains une compète de montgolfière au Bangladesh. Oui. Sous réserve de conditions météo favorables. Hein. C'est tellement plus joli les bidonvilles quand il y a du soleil. Hein. Allez, on vous remercie, bonsoir. Alors, bien entendu, louer une bagnole de luxe, c'est une nécessité. Enfin, surtout pour ceux qui sont pétés de thunes. C'est vrai que rouler en Jaguar dans Paname, puis prendre l'avion pour partir en week-end sur la côte, mais se retrouver à l'aéroport avec une Twingo en location, franchement, c'est pas possible. En revanche, un conseil. Si t'es pas un habitué du truc, bon bah, comme nous, quoi, méfie-toi des loueurs de grosses berlines. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Et j'ai eu une petite idée qui va tout arranger. Quoi ? Oui, dites-moi. Dites-moi, mon ami, monsieur Duschmurtz de Miami, visitait l'Europe avec sa Cadillac. Hein, et alors, il reçoit un télégramme de rentrer subitement par avion aux États-Unis. Mmh. Son papa malade, sa maman malade. Ah, oh, c'est toujours embêtant, ça. Mmh. Bon, alors, donc, la Cadillac est abandonnée. Oh, la pauvre. Et elle arrive lundi à Naples. Naples. Naples ? Naples. Et alors, monsieur Duschmurtz m'a demandé de la prendre en charge de Naples jusqu'à Bordeaux pour la faire réembarquer pour les États-Unis, je ne sais pas où. De Naples à Bordeaux. Oh, c'est un joli voyage, ça. Eh bien, ce joli voyage, monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire. Moi ? Voilà. Voilà votre billet, Paris-Naples en caravelle. Oh, pardon. Et 500 000 lire pour vos frais de voyage. Oh, monsieur Saroyan, c'est trop. Je consomme beaucoup moins qu'une Cadillac. Think of life without music. Silence the whole day long. Here's the don't hear rhythm. Without a song, just don't know what to do. How could I live out my days? Would I be getting up, pushing my life away? When the drums come calling, the bass line pulls you in. Sounds of regal splendor, fit for a king and queen. Secrets of the universe, the mysteries of life, and the things that don't make sense all come clear 'cause the music takes me up. music takes me on. Music takes me up. La musique m'emporte, c'est le duo britannique composé de Mr. Scruff et d'Alice Russell. Alors qu'aux States, pour Joe Biden et Barack Obama, le rêve est devenu réalité. I have a dream today. Alors maintenant, à 11h52, afin de compléter au mieux notre tour d'horizon de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actualité de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors quoi de neuf cette semaine, camarade ? Alors parlons peu, parlons bien, mais surtout parlons presse. On est en début de mois et moi, en début de mois, je lis La Croix. Et que nous apprenait La Croix en date du 1er octobre ? Du 1er octobre 1908, il y a tout juste un siècle. La Croix nous apportait alors une information capitale. Voici que va s'ouvrir le mois du rosaire. Il nous est doux de penser qu'en ces jours bénis montera vers la reine du ciel de tous les points du monde, un concert incessant de louanges et de suppliques. On dirait Ségolène. Mais non, c'est pas Royal au bar. Vous allez me dire, le 1er octobre 1908, on était encore plongé dans la baston de la séparation des églises et de l'État. Sauf que voilà, que nous dit La Croix du 1er octobre 2008, celui de cette semaine ? Oui. Eh bien, on y apprend qu'il va falloir en réciter pas mal des rosaires si on veut que la France se réconcilie avec Ben Sixtine. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, ça va mal, Philippe, ça va mal. Entre la France et le Vatican, il y a de la friture dans l'ambassade. Ah ! Oui, en effet, c'est assez incroyable, Philippe, mais la France n'a plus d'ambassadeur chez Saint-Pierre depuis décembre 2007. Et 9 mois sans ambassadeur, c'est très long. Que se passe-t-il ? Eh bien, en décembre 2007, l'ambassadeur de France au Vatican est décédé. Au moment de la visite à Rome de Nicolas Sarkozy, dis donc, mais... Non, a priori, il n'y a aucun rapport. D'accord. Nico, il a un alibi, oui. Pas de problème. Pourtant, lors de cette visite chez le pape, notre président hyper enthousiaste avait souhaité ardemment une nouvelle impulsion des relations entre la France et le Vatican. Et depuis, hélas, c'est la foirade. Les relations diplomatiques sont dans un sale bain de Saint-Siège, bien entendu. Bien sûr. Alors la France va de boulette en boulette. Première bourde, le candidat proposé par la France a été l'écrivain Denis Tillinac, un bon chiracien à Montille, mais oups, divorcé, remarié, donc éliminé. La boulette. Candidat suivant. Ce coup-ci, la France propose un type très propre sur lui, un fervent catholique, mais oups encore, homosexuel et paxé, oh là donc là. Éliminé. Bon, de son côté, le pauvre pape a failli s'étrangler avec son hostie en apprenant que Sarkozy voulait lui envoyer un homo. Eh bien, c'était sans doute ça, la laïcité positive attitude de Nicolas. Alors Philippe, c'est vrai qu'en ce moment, la vie n'est pas facile pour les ambassadeurs de Dieu sur Terre. Ainsi, le quotidien La Tribune d'Algérie s'inquiète cette semaine de la multiplication des fatwas qu'elle juge ridicules. Par exemple, ce canard dénonce un théologien saoudien qui appelle au meurtre de Mickey. Mickey. Eh oui, parce que Mickey serait un agent de Satan, il va falloir suriner la souris. C'est d'ailleurs un peu dans la même veine qu'en 2005, l'ex-doyen de l'université égyptienne d'Al-Azhar, la plus ancienne université islamique pourtant, avait condamné la nudité pendant l'acte sexuel. Ah, j'ai du mal à imaginer, mais c'est quand même un que peu faire. Compliqué. Mais oui, c'est compliqué d'un coup. Bon, la Tribune d'Algérie souligne surtout combien il est difficile pour les musulmans du monde entier de lutter contre cette image négative de l'islam que donnent certains irréductibles un peu archaïques du bulbe. Parce que la majorité des oulémas, des musulmans rejettent ces dérives. Et c'est pas facile de lutter contre ceux qui sont prêts à tout pour étendre leur influence. Et c'est pourtant ce qu'a réussi à faire la présidente du Chili, Michelle Bachelet. Au nord, c'était les corons. Bien. Alors, là, je vous explique. C'est Libé de lundi dernier qui nous raconte ça. Donc, Michelle Bachelet, pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs, ouais, avait sa maligne pendant une réunion à l'ONU devant une cinquantaine de décideurs américains. Donc, Michelle Bachelet, pleure pas boulou, est là. Et elle s'est permis une petite blague. Elle a demandé « Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de coup d'État aux États-Unis » Et la réponse, c'est « Eh bien, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis. » Excellent. Et oui, parce que cette année, on aurait fêté les 100 ans de Salvador Allende. Et Michelle est la petite fille, la fille, du général Bachelet, torturé et tué sous Pinochet. Ainsi, les coups d'État via les ambassades américaines, on s'y connaît dans la famille. Merci, monsieur Kissinger. Alors, c'est clair, Philippe. Trouver un ambassadeur compétent, c'est très compliqué en ce moment. Parce que chacun en veut toujours plus de sphères d'influence, toujours plus de domination et tout ça pour jouer les gros bras. Mais cette semaine, question crâneur, personne ne peut rivaliser avec le type qui a été le plus vantard, à savoir celui qui a volé au Mexique le préservatif publicitaire d'une association de lutte contre le sida, une capote géante de 7 mètres. Non mais, quand tu mets une capote de 7 mètres, évidemment, 7 mètres, le pape et la fatwa à dos. Merci, Maudvie, pour cette revue de presse des affaires étrangères. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 144e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique en mode rediffusion, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Florent Layani. Merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast et Yvan Beaugelet, et aussi Claire Sophie Collet. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Olivia Gesbert et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et de retour en direct de dimanche, pour toujours à 11h sur France Inter, pour un nouvel épisode inédit du Mangin Palace. Un dernier mot pour vous remercier toutes et tous et pour vous souhaiter une excellente année, durant laquelle vous ne lâcherez rien, bien sûr. On commence à vous connaître. Allez, prenez soin de vous. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin. Don't play rock and roll with me.